Pourquoi des monuments aux morts ? Les spécialistes estiment que le premier exemple français de monument portant le nom des combattants morts au combat est celui de la porte d'Hésille à Nancy, édifiée entre 1782 et 1784 pour commémorer l'indépendance des États-Unis et qui rend également hommage aux Nancéens morts durant la bataille de Yorktown. En mars 1800, Napoléon Bonaparte fit adopter un arrêté consulaire pour que soient élevées des colonnes départementales à la mémoire des soldats pour la défense de la patrie et de la liberté. Mais cette mesure ne fut pas vraiment suivie d'effet. Après la guerre de 1870, des monuments aux morts furent érigés dans de nombreuses régions de France. C'est à ce moment-là que la Troisième République inaugura ses premières formes de célébration patriotique et scolaire. Néanmoins, le tournant décisif dans l'histoire des monuments aux morts se produisit au moment de la Première Guerre mondiale. Ce conflit entraîna une véritable hécatombe, puisqu'il y eut en France 1 400 000 morts et 3 millions de blessés sur 8 millions de mobilisés. La construction des monuments aux morts s'imposa comme un impérieux devoir de mémoire. Entre 1920 et 1925, 35 000 monuments aux morts furent érigés. Un véritable maillage mémoriel fut ainsi mis en place sur tout le territoire national sous l'impulsion des anciens combattants qui formaient alors 90% des hommes de 20 à 50 ans en France. L'État encouragea cette mobilisation mémorielle dès le début de la guerre. Le statut de mort pour la France fut introduit par la loi dès 1915. Son attribution acquit d'emblée une grande importance pour les familles des victimes, car elle donnait droit aux pensions pour les veuves et au statut de pupille de la nation pour les orphelins. Dans le même temps, l'État encouragea l'édification des monuments aux morts, car c'était un moyen de justifier auprès des familles les décisions politiques qui avaient conduit à cette hécatombe, en répétant inlassablement que les hommes tués au combat avaient sacrifié leur vie pour défendre leur patrie. Mais cette interprétation fut fortement contestée par le mouvement pacifiste qui avait dénoncé l'absurdité de cette guerre bien avant le début du conflit. Pour ces militants, le monument aux morts était un lieu de mémoire qui devait honorer tous ceux qui avaient été victimes de la folie meurtrière de leurs gouvernants. Les polémiques concernant la signification qu'il fallait attribuer à ces monuments opposèrent aussi le camp des laïcs et le camp des religieux. Les premiers plaidaient pour que ce lieu de mémoire soit construit à l'intérieur de l'espace républicain, près de la mairie, de l'école ou sur la place publique, alors que les seconds privilégiaient l'espace de la religion, dans le cimetière ou près de l'église. Dans beaucoup de communes, deux monuments aux morts furent érigés pour satisfaire ces deux façons d'honorer les morts. Ces querelles illustrent l'analyse de l'historien Reinhard Koselleck. Ce sont toujours les vivants qui décident pour les morts, car ils doivent donner un sens à la disparition de ceux qui ont péri sur le champ de bataille. Voilà pourquoi ils font comme si les morts avaient défendu la cause pour laquelle ils s'engagent eux-mêmes en tant que survivants.